sorte la fleur. Le printemps apporte ses couleurs. Je t'embrasse, chérie. Oh ma chérie, c'est un jour enfin où tout va bien. Prends un baiser, nous dirait un bébé. Rien ne pourra contrarier d'un sourire excité. Tout va bien dans ce quotidien. On s'épanouit, la vie nous dit oui. Tout va bien, chérie, embrasse-moi là et ici. Je t'emmène enfin dans ces endroits où tout va bien. Le sable croustille sous les pieds, l'avenir nous sert à ses côtés. Je t'embrasse, chérie.